Fadjet. Une radio locale, citoyenne et solidaire. 18h, il est temps pour vous de retrouver toute l'équipe de Destination Syrie. Dans quelques instants, Laurent et toute son équipe vont vous proposer un nouvel épisode de Destination Syrie. Pour le moment, installez-vous confortablement pour apprécier ce nouveau pré-générique. Du côté du 7 Actus, pour moi, c'est un peu Koh-Lanta. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille vraiment au fond des fonds, oui, ça se sent. Pour trouver quelque chose. Ça se sent un peu dans les infos. Bah écoute, excuse-moi, non, mais voilà, je fais ce que je peux. Non, hein, mais il n'y a pas matière, il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière, il n'y a pas matière, mais j'arrive quand même à trouver des choses. Bien sûr, ce compte à rebours avec cette petite musique, franchement. Même la sonnerie de téléphone. Même la sonnerie de téléphone. C'est génial. Effectivement, voilà. D'ailleurs, depuis des années, c'est ma sonnerie. Et c'est sa sonnerie, oui. Donc ça ne l'ai jamais changé. J'ai cru à un moment donné que c'est le téléphone de Laurent. Un sujet pour toi, Sylvain. Combien de gens on a retrouvé morts dans une piscine? Il y a du dossier là-dessus, il y en a. Hein. Là, à mon avis, là, c'est une semaine, peut-être, parce que là. Non, mais ça pourrait être une idée. Hein, okay, merci. On en a vu plusieurs. Bah, moi, je peux t'en sortir un tout de suite. On me parle de piscine. Je pense à un feuilleton mort dans une piscine. Il y a Christine Shepard dans Dallas. Exactement. Oui, je ne pensais pas à elle, mais effectivement, il y a elle aussi. Ouais. Qu'est-ce qui n'a pas été fait dans Dallas? Une nouvelle info dans le 7 Actu. Alors attention, vous avez annoncé grand renfort de tambours, de trompettes, de paillettes et compagnie. On était au bord de faire un buffet en se disant « Ouais, Sioux revient !» Eh bien là, Sioux, une saison et là dehors. Alors est-ce qu'ils seront vraiment à Paris ou alors le Paris brinque-ballant comme on a eu dans NCIS Enquête Spéciale? J'ai pas vu les épisodes, j'aimerais bien te répondre. À un moment donné, c'est... Tony est à Paris, soi-disant dans NCIS, mais il est à Paris comme moi, je suis à South Fork. Non, on va recadrer en fait. Pourquoi l'Europe? C'est parce qu'ils sont en train de fuir. Alors, c'était quand même pas mal cette actu. Oui, très bien. Même si j'ai gratté le fond. Non, j'ai pas dit ça, mais on sentait bien que c'était pas du scoop, il n'y avait pas de scoop quoi. Voilà, bah, tu veux que je fasse quoi, Benoît? Je sais pas. Hein? Non. C'est tout. Ouais, voilà, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau 7 Actu. Et on vous l'a dit, hein, à la fin du mois, pas d'émission. On sera du côté du jardin de Michel avec Sylvain en train de jouer de la guitare. Mais on est là la semaine prochaine, normalement. C'est ce que je viens de dire. Oui, la semaine prochaine, on sera là pour un nouveau 7 Actu. Mais à la fin du mois, on ne sera pas là, hein, je répète. Car on sera du côté du jardin de Michel pour jouer de la guitare. Tout de suite, voici la première pépite du jour. Là, je sais pas si tu avais cette anecdote. Le chien de Mr. T avait la meilleure loge sur le tournage. Oui, vous avez bien entendu, Mr. T venait souvent accompagné de son Doberman et ce dernier avait sa propre loge sur le plateau. Un coussin moelleux, nourriture bio, ambiance zen, le rêve. Et par contre, là j'ai une alerte info, Benjamin qui vient de tomber. Devinez quelle actrice va intégrer le casting de Demain nous appartient. Corinne Touzet rejoint officiellement le casting de Demain nous appartient comme l'a annoncé TF1 dans un communiqué de presse. L'actrice, l'une des icônes du petit écran en France, comédienne phare des années 2000, elle a incarné pendant 12 ans Isabelle Florent, inoubliable dans Une femme d'honneur, samedi et 15 C. Samedi, de vous envoyer sur le site pour découvrir Don't Break My Soul. Alors, si vous avez bien suivi, c'est le single qui est un peu qui vante l'album, c'est ça. Ce que tu as dit tout à l'heure, on a bien suivi. Hein. C'est ça. Et Sylvain et moi, on était fans du premier titre. Oui. Ah là, c'est ça. En boucle. Ils m'ont tellement gonflé que j'ai zappé l'introduction que. Je le fredonnais. Donc voici Don't Break My Soul. Au moins pour moi et pour tous ceux qui aiment, eux, ils vont pouvoir aller jouer à la pétanque. Et comme chaque vendredi, enfin là en ce moment c'est pas chaque vendredi, hein, il y a un peu de pause. Il y a un peu de pause, hein, c'est Benoît qui est tout le temps barré donc on peut pas faire l'émission. Allez, c'est encore notre... Qui est deuxième? Alors on a HPI et Captain Marlowe. Captain Marlowe. Moi je dis CHPI. En deuxième? Non, il nous a fait le groupe, c'est Capitaine Marlowe. C'est HPI en premier. HPI en premier, Capitaine Marlowe. En deuxième. Moi faire de l'esbrouf? Ouais. Le spécialiste, c'est le champion. Oui. Je veux savoir combien le HPI a-t-il d'épisodes en tout à ce jour, à ce jour, à ce jour. Bah moi je dirais 40. 40. Enfin, à ce jour, parce que est-ce qu'on compte ouais, voilà, il y a un piège. Il y a un piège, parce que la 40 avec les... Ouais, dire, à la fin de la cinquième saison. Bah moi je dis total, à ce jour, c'est tourné, de toute façon c'est dans la boîte. Hein, tourné, mais diffusé. La série, on a 40, elle en restera ouais, normalement à 40. Non, même si on nous 50. Annonce une série dérivée. 50 avec la saison 5. Mais non, 40. Non, 40. S'il y en a 8 dedans. Bah, à chaque fois, il y en avait 8. Hein. 5 fois. Ah, ouais. On a dit 10, tu vois, comme quoi. Non, il y en avait 8. Non, mais elle n'a pas triché. À ce jour, de diffuser. Enfin, elle n'a pas dit diffuser, mais. Bah, elle n'a pas dit diffuser. Moi, à ce jour, dans les communiqués de presse, les mails que je reçois de TF1, c'est 40. Ouais. Attention à ne pas se faire avoir. Tiens. Puisque je demandais combien d'épisodes a-t-elle à ce jour. Tiens, je vous l'ai dit. C'est-à-dire que le calcul est simple. Il y a 8 épisodes par saison. Ça fait 40. Il y a 4 saisons. Oui. Donc nous 40, sommes déjà 41. À 8 fois 4 qui fait 32. 32, 33. Plus l'épisode qui est sorti hier. Ouais. Nous sommes donc à 33 épisodes la connais. Pour la série HPI. Et tu te trompes. J'espère que ça a fait travailler votre petit cerveau. Regarde, bah moi ce jour c'est 40. Hein, je ne mords pas. Non, mais ce jour. Je ne sais pas, j'ai pas noté les dates où la radio est fermée. Bah elle a pas dit diffuser. Moi j'ai pas entendu diffuser. On se retrouve au plus vite. Elle dit à ce jour. Et à bientôt. Bon, je pense que cette question ne compte pas. C'était la question. On pouvait que se tromper. Donc. Non, mais moi je dis pas qu'elle compte pas, je dis juste que quand on m'annonce gagnant, à ce jour, ça, ouais. Moi c'est voilà, c'est dans les infos qu'on a, ce jour on a combien d'épisodes? Bah, on a 40. Manon a toujours raison, c'est elle qui écrit les questions. Bah, c'est elle qui fait la chronique, elle a toujours raison, c'est voilà. Sûr. Mais c'est moi qui pilote cette émission et c'est moi qui ai raison aussi. Dès 18h, Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Destination Série avec Laurent, Benoît et Manon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Destination Série, le 827e numéro, le 28e épisode de cette 23e saison. À mes côtés, comme chaque vendredi, j'ai bien sûr Benoît. Bonjour Laurent, bonjour à toutes et à tous. Sylvain. Bonjour Laurent et bonjour Benoît, Laurent, bien sûr. À 10 kilomètres, nous avons Manon. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle guest star, un animateur qui compte à Fadjet et qu'on ne présente plus, hein, tout le monde le connaît. Bonjour Davy. Bonjour à tous. Davy qui est fan de séries. Ouais, et s'il n'avait pas fait une émission sur la techno ou sur la dance music ou trance, je ne sais plus trop où on en est. Oui, c'est ça. C'est la trance plutôt, techno, trance, voilà, un peu de touche et un peu perdu le fil des courants musicaux qui fonctionnent maintenant. Il aurait très bien pu faire une émission de série. Exactement. Ouais, alors, si vous voulez terminer correctement la semaine, vous vous branchez le vendredi matin sur Fadjet avec l'émission matinale. Oui, entre 7h et 8h30. Avec tes acolytes. Oui, avec Isabelle, Jérôme et Swan. Voilà pour l'émission 94.2. .2, service compris. Exactement. Voilà, je voulais qu'on me donne le titre et personne ne le donnait. Et si vous voulez commencer, enfin poursuivre votre week-end en beauté, vous retrouvez Davy le samedi soir et là, c'est la fête. Exactement. Avant de partir en club. Exactement, c'est un préchauffage. Exactement. Ce qu'on fait tous depuis très longtemps, nous trois ici présents. Oui, oui, oui, bah, tous les samedis soirs, hein, nous allons en club. Ouais. Hein, et pour se mettre en forme, c'est vrai que nous écoutons Davy. Enfin, moi, comme je l'ai dit en off, je l'écoute dans ma voiture, car à mon étage, j'ai des mamies, et elles risqueraient de venir choquer. Tu peux très bien écouter Davy avec un casque et te dandiner dans ton salon sans non, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah, bah si, si. Ah non, si. C'est pas pareil. Dans la voiture, à fond les gamelles, ah, crois-moi oui, que vu les enceintes que j'ai dans la voiture, ça le mais fait. Mais tu peux pas danser dans ta voiture. Là, c'est problématique. Je tressaute. Voilà. Tu tressautes. Après, okay. faut ouvrir les fenêtres et se balader dans Nancy, ça fait le Jackie. Oui, le Jackie. Oui, alors je ne sais pas si c'est une bonne idée. Réellement, là, je ne sais pas. Quoique, avec les clignotants à l'arrière qui bougent, ça fait, voilà, ça fait son effet. Voilà. Mais on ne va pas s'éterniser sans être sur ça. Là, surtout que j'ai du lourd. Oui, t'as du lourd. J'ai du lourd à vous annoncer. Et donc tu aujourd'hui. Tu ne parles pas de nous. Je ne parle pas de vous. C'est-à-dire de votre vie, on l'a fait la semaine dernière. Mais non, ben c'est, non oui. C'est rien, c'était une blague vaseuse. Alors vas-y, parce que... Non, moi, sur notre balance, voilà, oui, merci. Merci Sylvain qui, lui, a tout de suite compris. Sur notre balance. Voilà, comment non, allez, continue. C'est j'ai pire pas quand on explique une blague. Non, laisse tomber. C'est pire. Oui, j'ai pas compris. Non, mais j'ai c'est pas grave. C'est parce c'est que moi, j'ai une annonce à vous faire, et donc vas-y. C'est pour ça que j'ai pas suivi. Et en plus, je dois annoncer le conducteur. Aujourd'hui, nous allons retrouver le mur des hits. Ah là, tout de suite. Avec un mur des hits spécial. Spécial. Spécial Eurovision ? Pas spécial Eurovision. Ah, tu me l'avais presque promis. Bah écoute, on s'est pris une veste. Hein, non, donc, c'est pas pris une veste. Et tu m'as dit que de toute façon, la semaine prochaine, ça serait trop tard. Donc je me suis dit non, il faut... Et surtout dommage. Que le mur des hits spécial d'aujourd'hui, franchement, ça devrait vous plaire. Et moi, ça va me plaire surtout à moi. Oh, ça y est, c'est reparti. Par contre... Et t'avais dit que... je t'en ai rajouté un en plus, hein, que tu n'aurais pas dû mettre pour l'éviter cette semaine. Hein. Sylvain est témoin. On parle de quoi là d'un Tom Anders oui. qui est passé après 19h pour éviter de l'avoir cette semaine. Bah justement, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de Tom Anders dans Destination Série. Oui, enfin, ça va être du Modern Talking. Vu... Non, plus de Modern Talking aussi, non plus. D'accord. Au vu de ce qui s'est passé la semaine dernière, il n'y aura plus de Tom Anders et de Modern Talking. Alors, ce que je vais faire, c'est j'ai peur, parce que ça pourrait être pire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Thomas et Modern Talking dans le pré-générique. Comme ça vous permettra d'aller aux toilettes, d'aller téléphoner à vos chéris, à vos enfants. Non, mais comme si on se barrait. Et dès que vous entendrez le générique de Destination Série retentir, vous pourrez venir, le supplice sera passé. Donc à partir d'aujourd'hui, voilà, il n'y aura plus de Tom Anders et de Modern Talking dans Destination Série. Ok. Alors ? Je ne dis plus rien parce qu'il est déjà 18h12 et on n'a pas encore parlé série. Donc en fait, voilà, hein, c'était une vanne. Et oui, on n'y a pas cru une seule seconde. Vous avez raison, parce que de toute façon, j'ai autre chose à faire. C'est vrai qu'il est 12 et comme de toute façon, le 7 actu, il n'y a rien. On peut se le permettre. Ah, si, le titre, il est très bien le 7 actu. Le titre est sorti aujourd'hui. Ça fait suite à l'émission de la semaine dernière. Ça annonce la sortie le 20 juin prochain de Ready for Romance. On retrouve tout de suite pour ouvrir ce nouveau numéro de Destination Série Tom Anders avec sa relecture avec Christian Geller de Brother Louis. Don't let him steal your heart. Je crois bien que je me suis trompé de générique. Là. C'est pas le C'est Actu qu'on attendait. De toute façon, le C'est Actu aujourd'hui, alors la semaine dernière, c'était d'un niveau. Et là, cette semaine, c'est une véritable catastrophe. Bon. Même Sylvain en off disait, mais je me suis demandé à un moment donné si on allait avoir des infos. C'est vrai qu'en ce moment, c'est une traversée du désert, comme on en a déjà connu. Mais voilà. Ouais, ça sent la fin de saison. Ça faisait longtemps. Voilà, ça sent la fin de saison. Pas le sapin, mais la fin de saison. Ça sent les vacances. Et voilà, il y a une info où moi j'ai failli vomir, mais bon, je me suis retenu. On commence avec une info où on en sait un petit peu plus, surtout pour la lumière. Oui, c'est quand même une bonne information, puisqu'elle date est toute récente. Hein. Elle est tout sorti le 22, à part la dernière. Voilà, donc c'est assez récent, parce que effectivement, tout pour la lumière, la nouvelle série quotidienne de TF1, eh bien, on a la date de diffusion. Et c'est effectivement pendant l'été que ça va arriver, et juste un petit peu avant l'été sur Netflix. Est-ce que ça portera chance à la série? Car la première diffusion est prévue pour le vendredi 13, vendredi 13 juin sur Netflix. Alors ce qui me fait sourire, c'est que dans l'entête, on nous dit « Ouais, on a des infos sur tout pour la lumière ». Mais l'info que tout le monde cherche et voudrait trouver, et celle qui intéresse le plus, c'est l'horaire. À quel moment TF1 va tirer la première salve avec ce feuilleton? Et Benoît, ça, on l'a pas. Et ça, dans l'article, Benoît, on l'a pas. On a le jour, mais on n'a pas l'horaire. Alors, on a effectivement Netflix. Alors, on vous l'avait dit, c'est quelques jours avant, Netflix sort les épisodes de la semaine. Donc, le vendredi 13, vous allez avoir 5 épisodes. Et ensuite, lundi, lundi 16, ça commence sur TF1. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc, vous avez un petit peu d'avance si vous avez Netflix. Vous pouvez regarder ça tranquillement le week-end. Et puis, le lundi matin, à la machine à café, blablabla, t'as vu ce qui va se passer, blablabla. Voilà. Si ça provoque un intérêt certain pour ceux qui regardent, en tout cas. Ça peut intéresser. Mais moi, Benoît, je voudrais te poser la question. Toi qui as du nez en temps normal, à quel moment ils vont dégainer ce nouveau feuilleton? En sachant pertinemment que... À quel moment de la journée, tu veux dire? À quel moment de la journée, oui. En sachant pertinemment que maintenant, TF1 vise plus la plateforme TF1+. Donc, mais quand même, dans la grille, pour que ça soit cohérent, ça serait diffusé juste après Plus belle la vie? Ah non. Soir, tu as déjà le... Non mais ça va commencer à 17h, 17h, 18h. 18h. Juste avant, ici tout commence. 18h, tout pour la lumière. 18h35, ici tout commence. 19h10, demain nous appartient. Et puis 19h50, Elvin Delia pour la météo. Davis. Pourquoi pas? Avec des jeunes, ils vont pas faire ça à 14h25. maintenant on est jeune tard. Sylvain. D'accord, mais ils disent que c'est une comédie musicale dans la lignée de Fame ou Glee, donc, ouais, donc c'est plutôt pour... en soirée. Benoît a raison. Donc, ouais. C'est vrai. Alors ils vont raccourcir le journal de 20h et ils vont nous le mettre. Manque de place, ouais, c'est vrai. Ou alors à 20h. Le journal c'est 20h40, 20h40. Après il y a Canteloup, le loto, la météo, les machins. Donc ou alors 21h et maintenant les programmes c'est 21h45. Tant qu'à les mettre à 21h et des brouettes, pourquoi pas mettre quelque chose carrément avant. Ça serait un trop grand risque pour TF1. À mon avis, 18h c'est la bonne heure. Ok, donc tout le monde est d'accord, 18h. Sortie d'école, ce serait bien, oui. Sortie d'école, Sortie d'école, qui sortent tard, alors. Plutôt des lycéens, alors. Parce que qui sortent à 18h, il n'y en a quand même plus beaucoup maintenant. À part les lycéens. Au lycée. Oui, ils peuvent sortir à 18h. Voilà, c'est vrai. Ça, on va dire, c'est une info correcte. Par contre, est-ce que vous avez vu la bande-annonce? Est-ce que vous avez vu... Alors, j'ai vu des bandes-annonces. Et par contre... Franchement, TF1, ils mettent le paquet. Ah, ça claque. Ça a de la gueule. Et moi, j'adore la musique, mais j'ai pas réussi. Alors, soit il a la réponse, ou peut-être Davy a la réponse, ou alors c'est une mission pour Secrètement Vôtre qui chante. Reconnu. Tout pour la lumière. Alors par contre, je sais pas qui chante, mais moi à chaque fois que la bande-annonce arrive, je vois une actrice et je me dis tiens, il rediffuse Mon cher voisin. Ah non, c'est Tout pour la lumière. Non, ça a l'air de claquer, ça claque sévère. Bon, c'est beau. On va retrouver tous les archétypes, une malade, une vague tombée dans les escaliers, l'autre qui va être amoureux de machin qui pourra pas. Bon, ça c'est clair, mais bon. Oui, mais Benoît, si ça chante je suis pas trop client des feuilletons de TF1 Demain nous appartient, va falloir que je prenne un chausse-pied pied pour m'y remettre. Mais le problème là, c'est qu'on vient de me rajouter un caillou. Parce que tout pour la lumière, ici tout commence. Bon, bah voilà, ça se tient. Mais là, me rajouter un acteur qui joue comme une savate, c'est quand même compliqué. On a appris donc cette semaine, le 22, un acteur qui joue comme une quiche va apparaître dans Demain nous appartient. Alors là, Benoît est en train de d'étudier une tablette. Voilà, c'est ça. Et lui qui a l'habitude avec un portable, a quelques soucis avec la tablette. Non, mais voilà. Donc oui, alors, effectivement, on s'enthousiasme pour tout pour la lumière et on a envie de couper la lumière après puisque Jean-Luc Reichmann arrive dans DNA. Voilà, ce n'est que notre avis, hein, je tiens à le préciser. Ce n'est que notre avis, mais j'ai quand même retenté. Alors, je ne sais pas si Davy a retenté Léo Mattei. Non, ce n'est pas... Non, c'est pas non. Est-ce que Sylvain, qui est un spécialiste des séries du monde entier, Léo Mattei, sur une échelle de 1 à 10, tu me le mets à quel niveau? Alors, la série en elle-même, elle est bonne, mais c'est l'acteur qui pose problème. On dirait qu'il est là en dilettante, quoi. Il se promène dans la série, mais il n'est pas impliqué. Bah, le problème, c'est que des fois, il a dit quoi? Je sais pas, il a baragouiné. Oui, mais on sent qu'il est à côté de la série. Il marche à côté, complètement. Oui, tu avais quand même dit que tu avais suivi un épisode et que tu avais quand même trouvé que c'était quand même un petit peu mieux qu'au début. Bah, c'est-à-dire que... T'avais suivi, quoi. Oui, j'avais suivi, mais c'est-à-dire que c'est les acteurs autour qui tiennent le truc à bout de bras. Complètement d'accord. C'est lui, il est le faire-valoir, mais alors, je sais pas, c'est peut-être les fans du midi qui l'apprécient le soir. Il y a un mystère, quand même. 12 saisons, je tiens à le souligner, c'est un record. Hein. Ouais, mais il est populaire dans le jeu télé, donc... Ouais, mais là, au niveau du jeu d'acteur, au bout de 12 ans, moi, je dis que ça aurait été bien qu'il se remette en question, qu'il regarde quelques épisodes et qui se disent à un moment donné, bon bah là, il faut que j'évite. Là, son jeu d'acteur, ça fait 12 ans qu'il nous ressort la même sauce, c'est un peu compliqué. Alors, en tout cas, ça plaît. Il est dans Demain nous appartient. Donc, oui, puis ça fait plus de 3 millions, hein, donc je suis d'accord avec toi, ça plaît. Ça cartonne un petit peu moins qu'au début, mais ça reste... 12 saisons, Benoît. Ça reste populaire, c'est ça le terme. Il est populaire. Et il est tellement populaire que les producteurs de Demain nous appartient l'ont appelé pour jouer une guest. Et là, ils auraient mieux fait de se coucher. Benoît, un avis? On n'a pas plus d'infos pour l'instant. C'est mieux. S'il pouvait être figurant, ça serait pas mal. Alors, l'autre info. Oui, puisque là, on est dans les... Parce qu'en fait, l'été sera quand même un peu nouveau cette année. Oui, ça va changer. On va avoir un peu de... Ça va nous changer. On va quand même avoir un peu de choses, là. Alors, il faut aimer le genre, mais... Moi, j'aurais préféré une grande saga de l'été à 21h. On en a une aussi. Oui, mais qui arrivera sur France 2 du côté d'M6 au lieu de copier au niveau des feuilletons quotidiens. Je sais comment il s'appelle d'ailleurs. On s'en rappelle le nom de la saga de l'été. Il y a pas bleu quelque chose? Ah si. Si, ouais, bleu quelque chose. Histoire de caillou, je sais pas quoi. Enfin, on peut vous le dire. Tiens, on a déjà Davy sur le coup. C'est ça. C'est bien. C'est notre reporter en chef. C'est bleu quelque chose. Je suis sûr qu'il y a bleu dedans. Oui. C'est pas bleu l'océan. Hein, c'était une paire d'années. Non. Donc là, on est sur un nouveau jour. Donc quoi, nouveau jour. Voilà. Donc c'est le feuilleton. Alors, c'est une bataille. On pensait qu'ils allaient tirer les premiers, puisqu'on s'attendait à avoir la date de lancement de Nouveau Jour incessamment sous pneu. Mais non, finalement, c'est TF1 qui a dégainé les premiers. Alors, va-t-on voir apparaître Nouveau Jour? À mon avis, pas très loin du 13 juin. Hein. Oui, mon avis, oui. Voilà, ça m'intéresse plus, ne serait-ce que pour Bruno Solo et compagnie. Par contre, effectivement, Elena Noguera. M6 a mis... Laetitia Milo. A mis, effectivement, de l'argent sur la table. Hein, ouais. Parce que, effectivement, Laetitia Milo, Elena Noguera, Alexandre Varga, Bruno Solo, Jean-Baptiste Monnier, quand même. Oui. Non, mais là, c'est M6, je l'ai déjà dit. Hein. On aime ou on n'aime pas, mais avec le recrutement d'Hanouna, ils vont upgrader W9. Là, pour M6, ils mettent de l'argent sur la table pour avoir un feuilleton quotidien. Là, du côté de M6, après s'être un peu endormi, pour moi, on se réveille. C'est vrai. Alors, espérons que ça portera leurs fruits. que tout ça portera ses fruits parce que franchement, oui, parce que jusqu'à M6 présent, galère, oui, oui. Ils se prennent veste sur veste. Au presque, niveau hein. de leur série, ouais. Pourtant, eux aussi, comme France Télévisions, ils essayent d'innover, d'apporter du neuf. Et même, ce qui n'est pas une série, mais les agriculteurs, là, L'amour est dans le pré, a pris un petit, voilà, et plus aussi fort. La dernière édition a pris un peu du plomb dans l'aile. Hein, donc, ça fond de commerce, ça marche toujours bien. Oui, oui, ça a son public, tout de voilà, façon. Ça a son public, mais ça baisse un peu. Donc, ouais, mais moi, je me souviens de l'époque d'M6, qui était la chaîne des séries cultes. Oui. X-Files, c'était sur M6. Charme, c'était sur M6. Smallville, c'était sur M6. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme. Stargate SG-1, oui. C'était sur M6. Il n'y avait pas de plateforme, Laurent. La trilogie. Il y avait que la trilogie du samedi. Inoubliable, la trilogie du samedi. Et il n'y avait pas de plateforme. Eh oui. Si vous n'avez pas compris, si va me le répéter. Il n'y avait pas de plateforme. Et voilà, et voilà, voilà. Mais et, du coup, plus de Secrètement Vôtre, plus de Ça ira mieux demain. Et voilà. Hein. Et oui, ça va être une dure période. C'était la bonne époque. On termine cette actu très dense. Oui, par un carnet rose. Avec un carnet rose. Alors moi, je pensais mettre une info bouche-trou. Et en fin de compte, j'ai fait plaisir à Benoît. Eh ben non, c'est presque l'info de la semaine. Parce que. Oh ben dis donc. je croyais que c'était pas vrai. J'ai failli éteindre mon ordinateur et paf, Peppa Pig est arrivé. Et oui, ça m'a sauvé cette actu. Qui ne se rappelle pas Peppa Pig, qui n'a pas vu un petit objet, ce petit cochon rose et ses aventures de quelques minutes. Il valait mieux regarder Peppa Pig que les Teletubbies. Hein. Exactement. Les Teletubbies, moi j'avais envie de détruire ma télé. Moi j'ai toujours été réfractaire aux Teletubbies, mais quand Peppa est arrivé, Peppa Pig, son père, sa mère, ses frères, son frère, et voilà maintenant une petite sœur qui s'appelle Evie. Evie est arrivée le 20 mai 2025, c'est tout frais, c'est tout neuf. Alors moi je suis content que les années ont passé, parce qu'il y a une paire d'années on m'a demandé d'acheter les jouets Peppa Pig. Je me suis retrouvé dans le truc, j'ai appelé Benoît, j'ai dit c'est moche comme truc. Mais là maintenant, bon, l'enfant a grandi. Hein, oui. Et ça m'étonnerait qu'elle me demande du Peppa Pig maintenant. Hein, elle risquerait de me le balancer dans les dents. Ça dépend, elle est nostalgique. Ah, peut-être nostalgique. Oui, alors donc, le risque est toujours présent d'aller chercher la petite sœur de Peppa Pig pour compléter la collection. Un beau t-shirt, et elle s'appelle Evie. Evie. Elle est donc née à 5h34 précisément. Hein, on a même l'heure de naissance. Oui, alors là, pour lui côté de l'article, le journaliste ou les créateurs du dessin animé ont fumé. Non, et pour faire son signe astrologique, on a le jour et l'heure. Oui, hein. Oui, non, mais c'est un dessin animé quand même. Et le prénom rend hommage à la tante de Maman Pig qui s'appelait Evie, et donc on a donné le prénom. L'annonce a été faite de manière très originale, avec un crieur public et une cloche dorée. Rappelons les traditions royales britanniques. Pour célébrer cet événement, une émission spéciale intitulée Peppa rencontre le bébé sera diffusée le 30 mai 2025. Ce programme comprendra 10 épisodes musicaux où Peppa et George, le frère, se préparent à accueillir leur nouvelle sœur. Evie fera ses débuts dans la série à partir de l'automne 2025. Rappelons quand même que cette série, lancée en 2004 et diffusée dans plus de 180 pays, et traduit en 40 langues. Voilà. C'est fou quand même. C'est fou. Il y a franchement, un merchandising et tout. C'est pas Mickey, mais c'est quand même Peppa. Non. Et puis moi, franchement, j'ai une satisfaction. Je pensais avoir un set actu flambi. Et en fin de compte, non, j'ai dégoté l'info de la semaine. Ah non, mais en plus, on ne l'a vu nulle part. Moi, je ne l'ai vu nulle part. Et on n'en a pas parlé. Oui. Donc, c'est une série qui est toujours diffusée à la télévision française. Oui. Sur quoi? Sur TF1 même. C'était sur TF1, Peppa. Alors là, je ne m'en rappelle pas. Mais là, c'est encore diffusé. Bon, je ne regarde plus trop les émissions jeunesse. Mais bon, voilà. Je crois que Peppa est encore diffusée. Eh ben c'est une bonne nouvelle. Voilà, sur voilà. Nous arrivons au mur des hits. Alors rapidement, vous avez 7 cases, Benoît, quelle case? Pour découvrir le thème qui va te réjouir. Une petite idée. Vas-y Sylvain. Je pense que tu vas choisir la 6. Voilà. Quelqu'un qui me connaît bien. Eh bien, nous cliquons sur la 6. J'écoute bien l'émission. Non mais oui, il faut que je prenne le bon mulot. Je clique sur la 6. Et là, mesdames, messieurs, je regarde sur ma petite liste. Mais comme tu choisis toujours le 6, à mon avis, ça n'a pas... prémédite. Non, c'est aléatoire. Oui, c'est vrai. C'est aléatoire à la Laurent. Non. C'est ce que je lui ai dit. Un bruitage, mais. Hein? Non. Mais non. Ça me plaît. Eh oui. Ça fait longtemps que je veux diffuser ce titre et l'actualité musicale dense m'en a empêché et je me suis dit aujourd'hui. Enfin bon, comme dirait l'autre, vaut mieux entendre ça qu'être sourd. Vaut mieux entendre ça qu'être sourd. Hein. Et elle est dense, elle nous fait danser. Et là maintenant, on retrouve un maître du genre. Oui. C'est son nouveau titre et on a le bonheur de vous le proposer. Ça s'appelle Soul Machine Ellie Vélo. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un spécial Soul Machine et on commence avec sa nouvelle production. Bah, si on ne savait pas, il aurait pu y avoir autre chose. Ellie Vélo. Non, je l'ai dit en début d'émission que c'était un mur. Spécial, c'est vrai. Le mur dit spécial. Donc et c'est spécial, Soul Machine. Voilà, voilà, pour pouvoir en jouer, Benoît. Oui, non, mais ça me fait plaisir. Soul Machine dans Destination Série avec Ellie Vélo. Si vous aimez ce morceau, allez sur internet et regardez le clip. Oh, c'est magnifique. C'est une merveille sans nom. Ouais, ouais. Comme non, à chaque là, fois, il nous a soigné un clip, un mini-film d'une beauté rare. Mmh. Et c'est vraiment à découvrir. Onirique, poétique. Oui, c'est vrai. Et on est fan depuis, alors je sais pas, depuis le premier jour, non, parce qu'il avait fait des choses avant qu'on le découvre, mais ça fait quand même quoi. C'est le parrain de la nouvelle version de Destination Série, et donc ça fait quoi, 3 ans ? Au moins 3 ans. 3 ans, oui. Ouais, ça fait 3 ans qu'on le suit, mais à la, à la culotte, on va dire. À la culotte. Et il y en a un autre qu'on va peut-être suivre à la culotte, c'est celui qui est sur ma droite, parce que lui aussi compose et nous sort des clips. Et celui qui est sorti ou qui va sortir avec les petits personnages... Il est sorti, il est déjà disponible. Et ben celui-là, il est intriguant. C'était une bande-annonce exprès. Hein. Ouais, et j'ai hâte de découvrir ce clip, parce que c'est mignon comme tout. Eh bien, je te donnerai après l'émission. Avec nos têtes ? Non, non, pas du tout. Non, rien à voir. En fait, je fais de la musique, je suis compositeur. Ouais. J'essaye d'habiller en vidéo chacune de mes compositions. Et là, c'est un peu kawaii, dessin animé. Donc, normalement, hein, depuis le temps que je le dis, je vais reprendre en main le site internet que j'ai un peu abandonné. Et je vais créer une page où, régulièrement, je vais vous inviter à aller sur samedi.fr, samedi avec un C, pour découvrir ses productions. Mais là, ce clip, alors les autres étaient déjà bien chiadés, mais alors celui-là, il a l'air d'être excellentissime. Dans quelques instants, nous aurons le rétroviseur 2.0 en flash. Mais pour le moment, attention mesdames, messieurs, on retrouve maintenant la rubrique secrètement vôtre, la chronique qui fouille les coulisses des séries, là où ça sent encore le café froid, la sueur d'acteurs et la peinture fraîche sur les décors. Au menu d'aujourd'hui, une diplomatie sous haute tension où les applis zen de smartphone ne suffisent plus, un génie milliardaire qui improvise mieux qu'un élève au bac d'oral, sans avoir révisé, et un négociateur qui gère des prises d'otages, parfois dans un cirque, littéralement. Trois séries 100% anecdotes croustillantes, accrochez vos ceintures, on part en infiltration, c'est tout de suite dans Secrètement Vôtre. Une minute, j'arrive, une minute. Oh. Allô ? Oui, j'écoute. Que fait-on ? Il faut avoir l'air naturel. Pas de bruit. T'es prêt? Ah oui. Viens, ton Altesse. Qu'est-ce que tu fais? Je barricade la porte avant leur arrivée. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Si jamais, je vais mourir propre. Si tu entends des chocs sourds, ne t'inquiète pas. C'est mon cœur. Et maintenant, on retrouve la rubrique Secrètement Vôtre, présentée par Sylvain. Bienvenue dans Secrètement Vôtre. La chronique qui farfouille dans les coulisses des séries, comme les chats de Laurent dans un carton vide. Ici, on révèle les secrets que même les figurants n'osent pas murmurer à la cantine. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans les arcanes de la diplomatie française avec la série Sous Contrôle qui est passée sur Arte cette semaine. C'est une comédie politique qui mêle satire, absurdité et un soupçon de réalité, ou peut-être l'inverse. Sous Contrôle nous plonge dans le quotidien de Marie Tessier qui est interprétée par une Léa Drucker qui est juste épatante. Elle est directrice d'une ONG qui est ensuite propulsée ministre des Affaires étrangères. Elle découvre les joies et surtout les galères de la diplomatie française. Alors, ce n'est pas une nouvelle série, ça a déjà été diffusé en 2023, mais je voulais le souligner parce que, pour avoir regardé, il y a un petit côté sympathique. Alors, pour recréer les décors de cette série fastueuse du pouvoir, l'équipe n'a pas lésiné sur les moyens. Certaines scènes ont même été tournées dans les salons de la préfecture des Yvelines à Versailles, qui ont servi tour à tour de décor pour l'Élysée, le Quai d'Orsay. D'autres prises ont aussi eu lieu dans un hôtel à Paris, l'hôtel de Soubise, et même au siège du Parti communiste français, qui a été transformé pour l'occasion, je vous le donne en mille, en ambassade brésilienne. C'était quand même inattendu, et pas à propos du tout, mais c'était surprenant. Et la série, bien sûr, regorge de situations cocasses et de dialogues savoureux. Entre les réunions ministérielles où l'on parle pour ne rien dire et les applications pour smartphone, ça c'est dur à dire, les applications qui sont censées réduire le stress en pleine crise diplomatique. Sous Contrôle dépeint un univers où l'absurde est roi. En fait, c'est une satire qui n'est pas sans rappeler des œuvres comme In the Loop ou VIP. Deux séries, il y en a une anglaise, une américaine. Présentée en première mondiale donc au festival Sériemania à Lille en mars 2023, la série avait remporté quand même le prix de la meilleure série dans la compétition française. Voilà pourquoi je reviens dessus, puisque c'est une rediffusion et donc disponible en replay. Et cette récompense donc soulignait la qualité de cette comédie politique qui était aussi drôle que pertinente. La première diffusion était en octobre 2023. Donc Sous Contrôle est disponible en streaming sur arte.tv jusqu'au 20 juillet. Alors il faut aller voir si vous êtes curieux, c'est léger, drôle et je dirais pas qu'on apprend des choses mais c'est sympathique sur les coulisses du pouvoir. Voilà, c'est une occasion en or pour redécouvrir cette pépite télévisuelle qui nous rappelle avec humour que derrière les ornements dorés de la République se cachent parfois des situations sous contrôle apparent. Alors, vous aurez reconnu cette musique, très célèbre pour plein de choses, mais surtout pour un film. On va plonger dans les coulisses d'Iron Man, le tout premier bébé du MCU, celui qui a relancé la machine littéralement. Alors pourquoi je vous parle d'Iron Man ? Bah, je pense qu'à partir de 3 films, on peut parler de série, ou à défaut de franchise. Il a toute sa place ici. Bienvenue donc dans les dessous de l'armure. On va démonter les films comme Tony Stark, démonte ses armures à coups de tournevis et de sarcasme. Saviez-vous que Robert Downey Jr. improvisait la majorité de ses dialogues ? Oui, le mec ne lisait pas le script comme tout le monde, il le survolait comme s'il avait un jetpack. Résultat, beaucoup de scènes cultes sont nées à la volée, à l'instinct et parfois au pif total. Donc il fait de l'impro. Oui, Marvel lui avait dit « Fais ce que tu veux tant que c'est cool ». Eh ben, mission accomplie, je pense. Punaise. Que ça a marché. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est une anecdote vraie. La première armure d'Iron Man pesait plus de 36 kilos. Autant dire que Robert Downey Jr. ne dansait pas la samba sur les prises. Il fallait parfois près d'une heure pour l'enfiler. D'ailleurs, la fin du tournage, ils ont hésité à la fondre pour en faire des haltères ou une machine à raclette, mais ça, on ne le saura jamais. L'idée de faire dire à Tony qu'il veut un cheeseburger après sa captivité, en fait, s'est inspirée d'un vrai moment de la vie de Robert Downey Jr. Lorsqu'il est sorti de réhab, de désintox en français, il a déclaré que le premier truc qu'il a mangé, c'était un burger d'une chaîne fast-food connue, que je ne citerai pas, et que ça l'avait aidé à prendre un tournant. Comme quoi, la junk food peut sauver des vies ou au moins des franchises. Pendant le tournage, les acteurs se plaignaient que le plus grand danger sur le plateau, c'était le ventilateur de la salle des effets spéciaux. Il faisait un bruit de turbine digne d'un Boeing et il a failli scalper un assistant de production. Et depuis, on l'appelle affectueusement le mandarin. Anecdote vraie. C'était les dessous de l'armure, ce qui prouve qu'avec du génie, une tonne de métal et une pincée d'impro, on peut sauver le monde ou au moins le box-office. Plongeons maintenant dans l'univers de Le Négociateur. Alors, c'est pas bien dit en français, mais c'est le titre de la série, Le Négociateur. La série policière de TF1 qui mêle tension, humour et situation rocambolesque. La saison 2 vient de débuter sur TF1. Savez-vous que le tournage du premier épisode, alors ça c'était dans la première saison, François-Xavier de Maison et Jeanne Bourneau, qui incarne Hélène Bannier dans la série, n'ont quasiment pas partagé de scène dans le tout premier épisode de la première saison. En effet, leurs personnages évoluent dans des lieux différents, Antoine est enfermé dans une banque lors d'une prise d'otage, tandis que Hélène coordonne les opérations depuis l'extérieur. Résultat, les deux acteurs se sont croisés que pour 2 scènes. Les 2 premiers épisodes, alors c'est toujours de la saison 1, je vais pas pour aller de la saison 2, j'ai pas envie de spoiler si vous ne les avez pas vus, mais les premiers épisodes de la saison 1 ont été tournés à Paris, notamment dans un ancien garage Citroën, transformé en banque. Les épisodes ont ensuite pris place dans d'autres endroits, dans les Hauts-de-France, dans des lieux emblématiques comme le Théâtre du Nord de Lille ou le lycée Gustave Eiffel d'Armentières. Alors la série ne manque pas d'originalité en plaçant ses intrigues dans des lieux insolites comme Ara, musée, cirque, centre de fertilité ou encore escape game. Chaque épisode, en fait, c'est l'occasion d'offrir un décor unique, apportant une tension renouvelée et des situations encore plus surprenantes. La série a fait appel à de nombreux figurants pour renforcer l'authenticité des scènes. Ça, c'est assez classique maintenant, on le retrouve dans beaucoup de séries. Le Négociateur continue bien sûr de captiver les téléspectateurs, puisque ça généré une saison 2 avec ses intrigues palpitantes, des personnages attachants. La saison 2 a débuté ce lundi 19 mai sur TF1. Et si je vous ai convaincu en tant que négociateur, eh bien, il y a le replay de TF1+. Et vous avez regardé ? Moi, oui. Ah oui, j'ai regardé. Benoît, j'ai envie de savoir de quoi je parle. Non. Non. J'ai regardé. Tu l'as regardé? Oui, j'ai regardé. Bah, je fais un peu de devoir quand même. C'est parfait, très bien. Voilà, voilà. C'est bon enfant, on va dire. Je suis pas fan. Voilà, c'est bon maison, enfant. Un peu de mal. Limite, plan. J'ai eu un peu de mal la première saison, donc j'ai pas relancé la deuxième. Alors, François-Xavier de Maison est gentil. Oui. Sa bon coéquipière terme, aussi. Oui. Alors, celui qui sauve les meubles, c'est. Il était cuisinier dans l'épisode, j'ai un trou de mémoire. Comment il s'appelle? Son père. J'ai un trou de mémoire. C'est vraiment lui qui sauve la série. Enfin, pour moi, c'est le sel de l'histoire. Après, le reste. C'est pas une mauvaise série, c'est simplement. C'est voilà. pas mauvais. C'est... En tout cas, je tiens à signaler une chose, c'est que c'est très bien réalisé, très Absolument. Bien joué. C'est pour ça que très, je voulais en parler. Très bien joué. Voilà. Je tiens à le signaler. Oui, hein. Il joue bien de Maison. Ah, de Maison, il joue bien. Sa coéquipière et les seconds mm-hmm. rôles, pareil. Hein. Mais ça c'est nous... pas très novateur, quoi. Voilà. Mais c'est ça, voilà. Toujours. C'est, tu vois, ouais. à la différence de Boudère avec le Loulou, c'est pas là-dedans qu'on aura un coup de théâtre. Voilà, c'est la seule chose que je voudrais dire. Il l'a toujours pas digéré. Hein. Je sais pas. Je n'ai rien dit. Combien de temps va le traîner? Voilà ce que l'on pouvait dire du côté de Secrètement Vôtre. Rendez-vous donc 15 jours pour un nouveau numéro de cette chronique tant attendue. Tout de suite, voici, sans perdre une seule seconde, le rétroviseur 2.0. Et là, les amis, il faut se dépêcher parce que Manon Séricuise arrive. Et le mur des hits. Bah, le mur des hits, si tu veux, aujourd'hui, il n'y a rien à mettre dans le sectu. Ah, mais, heureusement qu'on a eu voilà, pour faire parle trop. Ah, dans bah, moi, l'essentiel, il est là. Et en plus, on n'a quasiment pas entendu Davy. Ah, bah, c'est Davy qui va parler en premier, je pense. Eh bien, Davy va intervenir là maintenant. Il faut faire fissa, les mecs. Donc, comme chaque semaine, le rétroviseur, c'est les 5 séries qui ont cartonné cette semaine. Je vous donne le casting dans le désordre. À vous de me le remettre dans l'ordre. Et d'ailleurs, c'est Davy qui s'y colle comme ça. Cette semaine, c'est Davy qui s'y colle. Tu nous fais le quintet dans l'ordre. Voilà. Donc cette semaine, nous avons Capitaine Marlowe, Le Voyageur, Meurtre au Paradis, Le Négociateur, Alex Hugo et HPI. Ah non, nous n'avons pas Le Voyageur. Vous enlevez Le Voyageur. C'est Capitaine Marlowe, Meurtre au Paradis, Le Négociateur, Alex Hugo et HPI. Alors, est-ce qu'il qui est cinquième? Capitaine Marlowe, je dirais. Cinquième, Capitaine Marlowe. Oui. Eh ben, c'est pas le capitaine Marlowe. Ah, bon, bruitage de tonnerre. C'est alors raté qui est cinquième? Cinquième. Alors attends, le négociateur. Oui. Sylvain. Le négociateur, malheureusement. Le négociateur est cinquième, à 3 189 000 téléspectateurs, 17,3% de part de marché, deuxième meilleure audience pour TF1. C'est dire que c'est quand même un retour avec un coup de mou. Qui est quatrième? Deuxième chance, Davy. Quatrième, je dirais. Capitaine Marlowe. tu dis à chaque fois, tu vas gagner une fois. Ouais, c'est sûr. Les autres. Alors, il nous reste Capitaine Marlowe, Meurtre au Paradis, Alex Hugo et HPI. Alex Hugo. Né. Meurtre au Paradis pour moi. Et toi, Sylvain? Oui, pareil, oui, Camille. Pareil, Camille. Non, mais parce qu'il a raison, malheureusement. Meurtre au Paradis est quatrième, 3 192 000 téléspectateurs, 17,1% de part de marché, leader pour France 2. Je ne sais pas trop où mettre le capitaine Marlowe. C'est ça mon souci. Si tu veux tout savoir. Hésite avec quoi? Bah, je ne sais pas, parce que je le mettrais peut-être là. Capitaine Marlowe, troisième? Bah, parce qu'on a. Il reste quoi? Il reste Alex Hugo et HPI. Et HPI, oui, quand j'ai même. Alex Hugo, moi. Non, alors Alex Hugo pour Sylvain, oui. Capitaine Marlowe, Capitaine Marlowe pour Benoît et Davy. Capitaine Marlowe. Capitaine Merlot, il a dit. Pourquoi pas? En troisième position, nous avons le Capitaine Marlowe, ouais. À 4 101 000 téléspectateurs, presque 25% de part de marché, leader, hein, vendredi dernier pour France 2. Qui est deuxième? Et bah là, du coup, c'est Alex Hugo. Alex Hugo ne peut pas avoir battu HPI. Bah, tout à fait. Donc, tu es d'accord, Alex Hugo, bien sûr. Tu nous fasses pas un coup. Un coup de théâtre, on sait jamais. Un coup de théâtre. Oh, joli. Eh bien, en deuxième position, nous avons HPI. Ah, non. C'est pas vrai. Il nous le fait la même chose que la semaine dernière. Alex Hugo est deuxième à 5 068 000 téléspectateurs, presque 29% de part de marché, leader. Bah oui, 5 068 000. Et en pole position, c'est HPI à 5 898 000 téléspectateurs. Elle est passée en dessous de la barre. Elle est passée en dessous de la barre, mais bon, voilà, c'est normal. Tout le monde était impatient la semaine dernière et là maintenant, tout le monde reprend ses habitudes. On va sur TF1 Plus et comme ça, la direction de TF1 est toute contente. Voilà. D'ailleurs, parlons de HPI, est-ce qu'il y en a qui ont regardé Hate Pantociel? La version américaine. La version américaine. J'ai vu la série. Alors, je voudrais bien, mais je l'ai pas vu. Mais je peux point, comme dirait quelqu'un. Moi, j'avais regardé le premier épisode, ah, oui, qui était littéralement un copier-coller en édulcoré quand même. En édulcoré, mais voilà, en moins. Donc j'ai lâché l'affaire. Oh, moi j'ai bien aimé, moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, moi j'aime bien aussi la version américaine. C'est pas une redite, c'est pas copier-coller des intrigues. Oui, mais ça me fait, voilà. Il y a la petite touche américaine quand même dedans, c'est ça qui est bien. Ouais. On n'a pas notre Audrey Fleurot américaine. Non. Plus gnagnagna, on va dire. T'as bien aimé, donc, Davy. Ah oui, tout à fait. C'est plus normal, quoi, on va dire, mais avec... Voilà, parce que c'est quand même édulcoré. D'après Audrey Fleurot, ça a été édulcoré. Bah, elle est moins déjantée. Son personnage est moins déjanté dans la série américaine. Oui, moins déjantée. Et ça marche, ça fonctionne. Bah, après, c'est pas un copier-coller. Elle a sa version américaine, cette série. Et, mais le démarrage, le premier épisode était quand même un peu assez semblable au premier épisode de... d'HPI. C'est comme une franchise. Ils font pas ce qu'ils veulent. En plus édulcoré, mais voilà, c'était un peu... Il y avait quand même quelques gags qui étaient un peu les mêmes. Et au niveau Abby, on n'est pas dans le même style. Au niveau de Des vêtements. Non, c'est moins excentrique. C'est moins excentré. Donc ça enlève pas mal de sel. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du rétroviseur 2.0. Tout de suite, sans perdre une seule seconde, voici le Manon Série Quiz. Destination Série, le Manon Série Quiz. Bonjour, bienvenue dans ce 24e épisode de la deuxième saison du Manon Série Quiz. J'espère que vous allez bien ce vendredi, mais moi, je vais commencer par un petit coup de gueule. Puisque j'aurais écouté l'émission comme chaque semaine sur Fadjet pour savoir les scores, etc. Mais vous parlez tellement que je n'ai pas pu réécouter le Manon Série Quiz. L'émission s'arrêtait à 19h, donc je ne peux pas écouter après 19h. Et ça s'est coupé, j'ai entendu le premier point, je n'ai pas entendu la suite. Il va falloir moins parler parce que je ne suis pas là pour vous rappeler à l'ordre. Donc s'il vous plaît, est-ce que les prochaines fois vous pourriez parler moins pour que je puisse réécouter le Manon Série Quiz? Faut juste que je fasse le podcast. Et oui Laurent, je t'entends déjà venir de loin. Je pourrais le réécouter le samedi, mais je ne peux pas. J'avoue que je n'y pense pas tout le temps. Donc, c'est fou ça, voilà. S'il vous plaît, prenez moins de temps, parlez moins. On veut un Manon Série Quiz en entier sur Fadjet. Merci bien. Elle est cachée quelque part. Bref, on va commencer par rappeler les scores, puisque ça y est, je vous ai bien saoulé. Là, on peut commencer à jouer. Nous sommes à 28 pour Benoît, 24 pour Laurent et 4 pour Sylvain. Et qui remonte fort. Et on va commencer directement. Et comme ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu, je me suis dit cette semaine, je vais mettre un générique. Voilà, alors je tiens quand même à préciser que c'est un générique de la saison 1 à 3 de cette série, donc entre-temps il a un peu évolué, mais c'est reconnaissable. Quelle est la série ? C'est un truc médical, ça, non ? C'est pas Grey's Anatomy. Non, c'est... C'est pas Doctor House. Non, c'est pas... Good Doctor. Ouais, ou c'est ça. Moi, je... Ouais. Oui. Good Doctor. Ouais, je pense que c'est Good Doctor. Non. Joker. Si, moi, j'aurais... Non, c'est peut-être sûrement Good Doctor. Ouais. Ça, je cherchais, tu l'as dit avant, moi. Putain, si c'est ça, je suis... Ou la nouvelle série The Pit, mais je doute. Non. Ah oui. Ouais, c'est Good Doctor. Mais je pense qu'après, ça s'envole. Elle l'a arrêté avant que ça s'envole. Ça ressemble à l'urgence dans les toutes premières notes. C'était très subtil. Oui. C'est médical. En tout cas, c'est médical. Good Doctor. Mais si Good Doctor. Mais pourquoi Good Doctor? Je sais pas. Plus d'actu. C'est pas Doctor House. C'est Manon. Elle nous surprend. Non, mais si. Oh là là, si. Parle trop. On veut la réponse. On y va? Si c'est ça, je suis vert. J'ai une générique un peu familier, hein. Ils se ressemblent un petit peu tous. C'était la série Cassandre. Je ne l'avais encore jamais fait écouter. Je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, bon, c'est le moment. Très ça médical. Fait longtemps. Je regarde pas. Oh là là là là. Moi, j'ai honte. Voilà, alors là, France 3, moi. Attends, j'aurais misé sur une série médicale, moi aussi. J'ai voulu instaurer un nouveau jeu. Ah. Parce que je me suis dit, il faut se réinventer un peu. Là, ça y est, c'est la fin d'année. Je me suis dit, il faut tester de nouveaux trucs. Donc, je vais vous donner 5 mots pour décrire une série, et vous allez devoir trouver cette série grâce aux 5 mots que je vous donne. Oh. Je pense que c'est assez simple comme... Enfin, c'est compréhensible, quoi, comme jeu. J'espère que vous avez compris. Je me lance. C'est un petit test. On verra si ça vous plaît. Je verrai la semaine prochaine. Et je recommencerai si jamais ça vous plaît. Le premier mot est champ. Le deuxième est TF1. Tout pour la lumière. Netflix. Ouais. Le quatrième, ouais. Retour. Et le cinquième, secret. Je vous redonne les mots dans l'ordre. Champ, TF1, Netflix, retour, secret. Et un petit indice de dernière minute, puisque c'est la première fois qu'on joue, donc je vous donne une autre chose. Cette série n'est pas encore sortie. C'est ça. Et là, vous me dites... Tout pour la lumière. On en a parlé dans le ouais. C'est Actu. Bah, oui. Et voici la réponse, hein, puisqu'il n'y a pas de mystère. Plus rapide. Oui. Voici la réponse. Vous m'avez dit, évidemment, tout pour la lumière. Yes. Honnêtement, je sais pas si vous l'avez eu parce que on n'en entend pas assez parler. Ça aurait été difficile. Bah oui. Moi, ça me tente de ouf. C'est un espèce de petit Glee. Ah ouais. Un espèce de The Voice en série. Enfin, je trouve que ça peut vraiment être pas mal. Mais on n'en entend pas assez parler. Je suis désolée, il n'y a pas assez de clips. Si oui, mais elle est en Belgique. Elle n'a pas vu la bande annonce. Je lance un petit appel comme ça. Parce que vraiment, moi, j'y serais. Je regarderais. Et pour rappel, l'avant-première sur Netflix est à partir du 11 juin. 13. Et ce sera diffusé sur TF1 dès le 16 juin. Voilà, les épisodes dureront environ 25 minutes et la série comptera 90 épisodes. Voilà. C'était un petit rappel, c'était donc vraiment la série Tout pour la lumière que j'ai hâte de regarder. Et alors, pour cette dernière question, ça faisait longtemps aussi que je ne l'avais pas fait, je vais vous donner un avis. Un avis de personne qui regarde une série, et grâce à cet avis, vous devez trouver la série. Voilà. Ça vient de Bernard. Bernard, si tu nous écoutes, c'est ton avis. Gentil, pour la famille, mais nunuche quand même. Des situations de prise d'otage pas très crédibles, les ex-épouses qui surjouent. Bah, ouais. Les enfants, par contre, jouent bien leur rôle, en particulier la fille aînée. Je répète. Gentil pour la famille, mais nunuche quand même. Des situations de prise d'otage pas très crédibles et les ex-épouses qui surjouent. Les enfants, par contre, jouent bien leur rôle, en particulier la fille aînée. Je vous laisse réfléchir. Bon, t'étais plus rapide que moi, alors, en une demi. C'est quoi? C'est vrai qu'il y a prise d'otage. Oui, bah oui. Le mec. J'en avais un peu parlé, ça va aider aussi, je pense. Non, mais c'est un peu grâce à moi, tu peux le dire. Dis-moi merci, quoi. Ça m'aiderait. Le mec qui prend le flingue et qui prend la place de sa femme. Voilà quoi, tu te dis ouais. Et après, alors ce qui est rigolo aussi, ils flinguent les caméras elle flingue la caméra de surveillance et eux ils y vont avec une petite tu nous pètes à un endroit, on passe par l'autre. Ah, bien, oui. Alors je me suis dit à un moment donné, ils vont peut-être utiliser, tu sais, les trucs que tu utilises pour une coloscopie. Bah, c'est ils vont très proche, c'est de l'endoscopie. Hein, c'est une caméra endoscopique. Ouais, mais celle-là elle est un peu grosse. Ah oui, on devrait la sentir un peu. Ouais, et non, mais c'est vrai que la prise d'otage, on a vu mieux, mais. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait... C'est bon enfant. C'est bon enfant, ça fait le job. Eh bien, point pour Laurent. Parler de prise d'otage, je pense que c'est ça qui peut vous mettre la puce à l'oreille. Aussi, d'ex-épouse, il y a toute une petite trame autour de ça dans cette série. C'était la série Le Négociateur. Voilà, j'espère que vous l'avez eu. Je pense quand même, vous êtes trois cerveaux, ça peut le faire. Mais moi, j'ai répondu il y a 20 minutes, voilà, donc je dis bon. Voilà, tout pour le 24e épisode du Manon Série Quiz, ça passe vite. Et alors, avant de se quitter, j'aimerais quand même qu'on remercie mes efforts, parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais la semaine dernière, j'ai mis un petit easter egg, comme on les appelle. Je ne sais pas si ça s'est entendu, mais j'ai mis le générique d'HPI derrière pendant que je parlais à chaque fois, puisque je parlais d'HPI. Donc cette semaine, j'ai mis un nouveau générique derrière, Peppa en rapport Pig. Avec ce que je raconte. Est-ce qu'on peut applaudir l'effort, s'il vous plaît? Ça m'embête de faire ça à chaque fois, et je ne sais pas si vous remarquez. Voilà, c'était juste pour vous le dire et que vous fassiez un petit peu plus attention. C'était le 24e épisode du Manon Série Quiz. On se retrouve, je ne sais pas toujours pas quand, puisque je n'ai plus les dates. Dans 15 jours. Je ne pense pas la semaine prochaine, ou peut-être, j'avoue que je ne sais pas. La semaine prochaine. On se retrouve au plus vite. Passez un bon week-end et à je ne sais pas quand. Elle n'a pas un problème de cheville quand même. Ouais, merci Manon. Mais on a applaudi après 19h, ce ne sera pas dans le podcast. Non mais là, non, on a, normalement c'était pile poil. Enfin, de toute façon le podcast je vais le mettre sur le site. Hein, d'accord. Mais voilà, ça fait partie des choses que je veux refaire sur le site régulièrement. Mais elle a un problème de cheville, non Ça va, oui. Hein, je pense que là elle est bien dotée. Ouais, donc des chevilles, elle est dotée. Oui, il y a une part d'hérédité là-dedans ou c'est fortuit? Peut-être, parce que lui, comme il a eu pas mal de succès au niveau de ses pronostics, lui aussi à un moment donné, voilà. Ouais. Enfin, l'écart se maintient. On a toujours 4 points d'écart. C'est quand même léger, hein. Oui. Parce que moi, je veux ma chanson, hein. Vous savez, tu ne sais pas, mais il y a quand même une chanson en jeu. Le gagnant a droit à sa chanson. Je peux très bien répondre comme une savate dans les prochaines questions. Mais tu peux et aussi, comme ça, tu as ta chanson. Non, mais tu peux aussi me rattraper 4 points en un mois et demi. Bah non, si tu veux ta chanson, je promets solennellement. Non, mais je veux ma chanson en toute régularité. Mais non, mais on fait un deal, Benoît. Sans tricher. Non, je te laisse ta chanson et pour la saison suivante, je peux placer mon chanteur un peu plus souvent. Non. Ainsi s'achève ce nouveau numéro des Destinations Séries. On va faire tourner le mur des hits, hein, parce que t'as rien de prêt, je te rappelle. Mais le générique. Hein ? Le générique et le jingle Bienvenue au Palais. Mais à part ça, ça va être obligé. À part ça, Benoît, bah écoute, il faut pas me demander non plus d'être devin. Hein. Non mais je sais bien, oui, c'est voilà. Pour ça. Donc on va faire tourner le mur des hits pour nous permettre de nous caler, cher ami. Voilà, faisons tourner le mur des hits. Voilà, donc nous avons maintenant 6 cases. Davy. Tu seras pas venu pour rien. Ouais. Donne-moi une case. On a déjà fait la 6. Le 4. Le 4. Je clique sur le 4. Mais comme j'ai pas. Parce que moi, c'était pas prévu. Hein, donc voilà. Alors, gling. Voilà. C'est bien du direct. On change un peu d'aiguillage. Plus personne. Si vous voulez, pour le podcast, je pourrais vous mettre la virgule. Mais là, faut pas trop m'en demander. Donc là, je regarde donc sur ma petite liste que j'ai fait en rapido. Et nous avons retrouvé tout de suite le morceau qui a été sélectionné par Davy. Nous retrouvons donc Soul Machine. Inspecteur Gadget. Ah, très bien, ça, ouais. Ouais, avec sa version de l'inspecteur Gadget. Et de toute façon, Soul Machine fait partie de Destination Série. Même si aujourd'hui, on aurait pu le retrouver une troisième fois. C'est promis, on le retrouvera souvent dans les prochains épisodes. Mais parce qu'il y a toujours un décalage. Il y a toujours un décalage là, dans la programmation. Mais bon, tu peux en laisser un ou deux pour la semaine. Dans 15 jours. Oui, voilà, mais on a un gros problème. Il va falloir que Jean-Luc regarde la pendule. Elle avance trop vite. Il y a un souci, le vendredi soir, elle pédale trop vite. Un grand merci à Benoît pour ce bonus au sein de Destination Série Soul Machine Inspector Gadget. On se retrouve là réellement dans 15 jours pour un nouveau numéro de Destination Série. Mais pour l'heure, voici Ça ira mieux demain, les séries qui vont prochainement ou qui sont déjà sur vos plateformes. C'est là maintenant sur Fadjet.